Radiomatic. Les sonoristes vous accueillent pour cette transmission 287 d'Audiomatique avec la musique du groupe montréalais Reliefs, de qui nous entendions la pièce « Le début de la fin » extraite de leur album « Sans mer » lancé en 2014. La musique n'est pas seulement sonore, elle peut être aussi politique. This song was written in response to Paul Hardcastle's 19 and the Rambo films, which we found an appalling and one-sided attempt to rewrite history from the American point of view. Our thanks to John Pilger for his documentary Cambodia Year Zero. Cambodia is named after the original inhabitants of Cambodia. We dedicate this to the 7 million people who died or went missing as a consequence of the American invasion of their country. Spring of 1969, the USA began the bombing of neutral Cambodia. The official aim of the bombing was to wipe out a North Vietnamese base across the Cambodian border, a base that existed only in the imaginations of a few American generals. Top secret military papers show that the purpose of these missions was kept secret even from the pilots, and that their logbooks were falsified. The burning villages were called Friendly Fire. Just before the invasion, Nixon, who was drunk, called Kissinger and slurred, "If this doesn't work, it'll be your ass, Henry." Kissinger had once described Nixon as being unfit to be president and called him a meatball mind. President Nixon's aim was to show the Vietnamese communists just how tough he could be, a policy he once described as the madman theory of war. On this, perhaps the most gentle and graceful land of all of Asia, President Nixon and Kissinger unleashed 200,000 tons of bombs, the equivalent of 5 Hiroshimas. Kissinger was later to receive the Nobel Peace Prize. Thank you. Cambodia was bombed back to the Stone Age, to become a country with no families, no hospitals, no school, no medicine, no song, no art, no books, no holidays, no music, no money, only disease, hunger, work, and death. Pol Pot has never been brought to justice, and with US and United Nations backing, he still leads the Cambodian Contra movement, which tacitly supports the genocide of Cambodia. Audiomatique, nous terminions une séquence de trois pièces nous ramenant dans les années 80 avec la formation Nether Ebb et la pièce Captivate qui se retrouve sur l'album Belief sorti en 1988. Avant Nether Ebb, c'était la formation Propaganda qui nous offrait une version alternative de sa pièce P-Machinery. Cette version alternative, intitulée tout simplement Machined, apparaît sur l'album Wishful Thinking, qui regroupe d'ailleurs une série de remixes de pièces se trouvant sur l'album A Secret Wish, paru en 1985. Et nous amorcions la séquence avec la formation SPK et la pièce Kambuha, tirée de l'album Oceania in Performance 1987, qui, comme son nom l'indique, se veut un album enregistré en concert. Il s'agit également de la dernière parution avant la séparation du groupe. La prochaine séquence musicale audiomatique sera introduite par le projet allemand Cabanjack. Steady flowing, steady flowing.

Thank you. Il s'agissait à Audiomatique du défunt groupe londonien Laika, qui nous interprétait la chanson If You Miss de leur premier album Silver Apples of the Moon, paru en 1994 et dont le titre fait référence à l'album du compositeur américain Martin Subotnick, qui a fait paraître en 1967 un premier album qui prenait le titre de Silver Apples of the Moon. Précédemment à Laika, nous avions droit à Nine Inch Nails, qui nous a offert gratuitement le 26 mars dernier pour exprimer sa solidarité envers les gens confinés à cause du COVID-19, deux albums instrumentaux ambiants, soit Ghosts 5 Together et Ghosts 6 Locusts, qui sont bien sûr une suite à l'album lancé en 2008, Ghosts 1-2-4. De l'album Ghosts 6 Locusts de Nine Inch Nails, nous vous avons présenté la pièce Run Like Hell. Et pour débuter, c'était le projet Cabane Jack mené par l'artiste américain Ingo Moll, qui fait aussi partie du duo Ancient Astronauts. De son album Tree of Mystery, qui est paru en 2010, nous vous avons fait entendre la pièce Follow the Storm. Audiomatique se poursuit sur une pièce instrumentale de la formation Calva y Nada. Thank you. Cette courte séquence de deux pièces s'achevait sur la musique du projet Aurora avec sa pièce Hereafter tirée du premier album The Land of Harm and Apple Trees sorti en 1993. Aurora est un projet parallèle de Peter Spilles, le leader de la formation Project Pitchfork. Après ce premier album, le nom du groupe Aurora a été changé pour Aurora Sutra. Et on commençait la séquence avec le groupe Calva Inada et la pièce instrumentale Yak, tirée du deuxième album Dias Felices, paru en 1991. Pour clore cette transmission 287 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter le groupe américain basé à Portland, en Oregon, Mena Mena, de qui nous entendrons la chanson Sepia, qui fait partie des B-sides qui ont été enregistrés lors des sessions pour leur premier album, I Am the Fun Blame Monster, sorti en 2003. La transmission 288 d'Audiomatique se déroulera vraisemblablement comme prévu mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et sera ensuite disponible dans nos archives accessibles sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Voici Mena Mena et la chanson Sepia. C'était Audiomatique avec les sonoristes.